On sort pas le neuf, non, nous on fait la fête. On peut sortir la guitare si ça part en sucette. Je suis dans ma verse, je m'excuse pour la maladresse. Je profite un max. Et je fais des bénéfices dans l'est. Que dit c'est fini, laisse dit fini. Les saisis, les faux potes, je mets tempête sur tes comme Messi. Là je suis en haute fréquence, je me souviens de même tout ce qui se passe. Dans la queue je dédouble tous pendant que tu dors, charbonne je trace. Mon corps qui quitte mon esprit, je m'arrête pas de la nuit. Avec eux, avec toi, je réveille les démons de minuit. Mon corps qui quitte mon esprit, je m'arrête pas de la nuit. Avec eux, avec toi, je réveille les démons de minuit. Et je fais la teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf. Si tu t'amuses pas, y'a de la peuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf. Et j'fais la teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf. Si tu t'amuses pas, y'a de la peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf. J'm'enfuis au bout de la nuit, j'me sens vivre. Minuit, j'm'enfuis au bout de la nuit, j'me sens vivre. Hey, les motards et la bague de nuit me suivent en filature, j'les ai rodaves. J'enlève ma lica et j'éteins mon peinard. Rien que j'ai des tics, j'recompte trois fois le fric avant de le mettre dans le foie. J'compte pas sur toi, moi j'compte mes sous, j'suis sûr de pas me tromper. Mon corps qui quitte mon esprit, j'm'arrête pas de la nuit. Avec eux, avec toi, j'réveille les démons de minuit. Mon corps qui quitte mon esprit, j'm'arrête pas de la nuit. Avec eux, avec toi, j'réveille les démons de minuit. Et j'fais la teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf. Si tu t'amuses pas, y'a de la peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf. Et j'fais la teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf. Si tu t'amuses pas, y'a de la peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf. Minuit, j'm'enfuis au bout de la nuit, j'me sens vivre. Minuit, j'm'enfuis au bout de la nuit, j'me sens vivre. Et j'fais la teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf. Si tu t'amuses pas, y'a de la peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf, peuf. Et j'fais la teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf, teuf. Si tu t'amuses pas, y'a de la peuf.